Pour moi qui fus roi de Bohème, qui fus animal innocent, désir de vie, rêve insistant, démonstration de théorème. Il n'est pas d'énigme essentielle, je connais le lieu et l'instant, le point central absolument de la révélation partielle. Dans la nuit qui dort, sans étoiles, aux limites de la matière, s'installe un état de prière. Le second secret s'y dévoile. Second secret s'y dévoile.